de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. Et on se retrouve pour l'émission Hentar Brezhoneg, Kentel Pemkan Hwer War Nugen Nekese. Ya, Pemkan Hwer War Nugen, ya. 526, Henri. 526. Ça va bien? Matré. Quel mot on va voir aujourd'hui? Alors, on va continuer sur Euro, mais on n'avait pas terminé tout à fait. Donc, on avait vu Euro, hein, qui veut dire en avant, devant, etc. Et donc, on était arrivé à la... Alors, entre guillemets, à la conjugaison d'un rogue. Parce que c'est pas une vraie conjugaison, mais avec les pronoms personnels, il y a une fusion qui se produit. Et on va avoir, par exemple, rogon avant moi. Rogon, hein. Avec une belle mutation. Avec une mutation, oui. Alors, oui, alors, elle se fait pas à chaque fois, par exemple. Elle se fait quelques fois. Alors, rogout avant toi. Ici, on n'emploie pas ça. Hein. On ne tutoie pas dans le pays, ici. Voilà. Bon. Rokan, avant lui. Rokei, avant Atel. Voilà. Rogom, avant nous. Rogor, avant vous. Et Rokei. Alors, ici, on dit Rokei, hein. Avant eux, quoi. Voilà. Donc, bon, c'est une façon de... Alors, des fois, les néo-bretonnants ont un peu de mal avec ça. Mais bon, les bretonnants de naissance maîtrisent ça parfaitement. Naturellement. Naturellement, oui, voilà. Alors, on a appelé ça une conjugaison. Bien sûr, c'est pas une conjugaison, c'est pas un verbe. Mais c'est une façon de... Alors, il y a plusieurs cas de ce type-là. Hein, c'est plutôt des déclinaisons? Non, c'est même pas des déclinaisons. Non, non, les déclinaisons, ce serait un cas... nominatif, vocatif, ablatif, génitif, accusatif. Non, on n'a pas ça en breton. On a les mutations, mais on n'a pas de déclinaison. Dans le temps, dans le celtique ancien, il y avait aussi des déclinaisons. Il y avait la mutation à l'avant et la déclinaison à l'arrière. Ah oui, oui. Mais ça a disparu en breton actuel. Dieu merci. Oui, bon, on s'y serait fait, hein, on s'y serait fait. Et alors, une forme avec rogue aussi, c'est warog. Hein. Warog, alors, le war qui veut dire sûr, hein, au sens de la position d'un objet, par exemple, warendo, là, est très utilisé pour décrire les mouvements. Warog en avant, wardré en arrière, wargrer en haut, wardro vers le bas. Donc sur l'avancée quoi, hein. Donc voilà, c'est une forme typiquement bretonne, hein. Bon, donc Mondoirog, hein. Alors Mondoirog, c'est avancer, c'est aussi progresser, hein. Par exemple quand on étudie quelque chose, Mondoirog, voilà. Et c'est aussi augmenter, par exemple reprise ou Edwarog, c'est aussi augmenter quoi, voilà. Alors, Kazwarog, c'est faire avancer. Kazwarog, on drabenek, c'est faire avancer quelque chose. Hein. Et Mondoirog, qui est avancer, ça a aussi le sens de partir, de quitter. Hein, on dit monde cuite aussi. Hein. Mais Mondoirog, hein, Edewarog, il est parti, quoi. Voilà. Alors, il y a quelques dérivés encore de Harog. J'en donnerai simplement deux. Hein. Un arrogant, c'est pas quelqu'un d'arrogant, c'est un avant, par exemple, au football. Ah, je me disais bien qu'il y avait une histoire de foot là-dedans. Hein, oui. Guingamp. Oui, oui, bah oui. Ou arrogant Guingamp, hein. Ah, oui. En avant de Guingamp, voilà. Et arrocaden, pour terminer, un arrocaden, c'est un progrès. Alors c'est un mot qui n'est pas utilisé par les bretonnants de naissance traditionnelle, mais qu'on entend beaucoup maintenant dans le breton, mot névé, hein, un arrocaden, un progrès. Voilà, et ben c'est un progrès d'avoir fait cette émission. On passe à la seconde partie, Henri. Thank you. C'est Hintar Brezhoneck et c'est la partie du dialogue, Henri. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Schornig est allé voir Louis, le président des anciens, à Zantolk, à la suite du repas des vieux, près de Regos. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle comme ça. Oui, ouais. L'Estrolade Gverlisky, l'Estrolade Kalak. Oui. Ben là, c'est un peu c'est Lane à Regos. Ah, c'est Lane à Regos, oui. Ça. Ici, c'est près de Regos. Hein. Le repas des vieux qui se fait à Zantolk, traditionnellement, le 11 novembre. Bon. Schornig. Salut, Louis. Marge. De ce que te glème, Schornig. L'arrêt d'Inta, Louis. Clé et Vedmeuse et Wadéal, près d'Arregos, Bazantolok. Ya, Guiri, Orvige Blanc, Vegret, Gandor Le, Plija, Dura 40, Azikou, Redombe, Gandebarous. Bazantolok, Vegret. Ya, Eveljus, Batifange, Penquat, Vegret, Arpret, Amilardar, Vetro, Warandol. David Mapus. Feyavat, Orbandardi, Gorkal, on a Wad de Dianton, Gandboué de Marmous. Agor Bandarzou, Ben Wallerze, Ag le Wallerze, Wa Langue de Bœuf, Gand Bonnedou Toussuk, Agor Rost et Veltus Waller, A Zaladen, A Fourmage, Agon Tom Kunyaman, Gand Arhafe. Bouetskan, Ben Arfin. Rekefen, Chanik, Nekemed Orvege Blanc. A Plijadur Zobet. Oh, ya, Chanik, Velkis, A Custum, Kanoé nous Zobet, A Zoneres, Tonor Rost, Tonor Hafe. Trejun go l'accordéon, harmonica, ya milardar ou aplija dur grandendut. Eh ben, on va reprendre, phrase à phrase, le dialogue. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils mangent, les anciens? Une fois par an, il a dit. Hein. Oui. Salut, Louis, manageux. Oui, salut, Louis, comment ça va? De ce que de glem, Schornig. Il n'y a pas à se plaindre. L'arédinta, Louis. Clé Vetmeus et Wadéel, près d'Arégos, Bazantolek. Oui, dites-moi, Louis, j'ai entendu qu'il y avait l'autre jour. Le repas des vieux à Zantolok. Ou à Andéal, si je voulais dire bien. Andéal, hein. Ya, Guiré, Hervé Charblat, Vegret, Ganarlub, Plijadur à 40. Oui, on fait ça une fois par an avec le club des anciens, qui s'appelle Plijadur à 40. À Ziguredom, Ganarbarous. Oui, à Ziguredom, Ganarbarous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de repas, ils n'en font qu'un. Mais c'est la commune qui aide le club à financer. C'est pas bête? C'est pas bête. Bazantolek, Vegret, demande Schornig. Alors, ça se passe à Zantolek. Ah, ya, vel juste. Bati Fange Penquat, t'es Vegret d'Arpret. Oui, bien sûr, hein, c'est chez Fange Penquat qu'on fait le repas. Ami Lardor, Vetra, Warandoul. Et je vous le dis, il y a des choses sur la table. Debet Matpeus, demande Schornig. Debet Matpeus, ya, vous avez bien mangé. Feyavat. Ah oui, vraiment. Ma foi, oui, quoi. Arban Ardigor Calon, et Wad Agentan, Grande Bois de Marmous. Oui, il y avait d'abord un peu d'apéritif, Orban Ardigor Calon, hein. Digor Calon, apéritif, hein. Avec des amuse-gueules, un bois de Marmous, hein. C'est quoi, c'est des cacahuètes? Bois de Marmous, ça voudrait dire de la nourriture de singe, quoi. Ouais. Des petites choses, quoi. Des cacahuètes, des noix de cajou, à mi-warmi pétroise. Agarban Arzou, Benoît Lair. Agoban Arzou, Benoît Lair, et bien sûr la soupe après. Hein. À langue de bœuf, quand boédou tout sec, bonnet d'où tout sec. Oui, alors le mot langue de bœuf est devenu un mot concentré, hein, en un seul mot, à langue de bœuf. Hein. On ne dit pas tiodigène. Tiodigène, c'est la langue proprement dite du bœuf, mais langue de bœuf, c'est le mets, en fait. Hein, voilà. Avec les capres. Voilà. Avec là, c'est bonnet d'où tout sec, c'est avec des champignons. Hein. Agur rose, veljus, warler. Et après ça, le rôti, bien sûr. La saladen. Et de la salade. La fromage. Et du fromage. Agantam kouignamon gana rafé. Et un peu de kouignamon avec le café. Alors, Schornig répond. Bouetskan, Benarfin. Ah, de la nourriture légère, finalement. Rikifen, Schornig. Nikemenor vechorbla. Ne vous moquez pas, Schornig, ce n'est qu'une fois par an. Plijadur zobet, demande-t-elle. Il y a eu du plaisir. Ah, ya, Schornig. Velkis à custume. Oui, Schornig, comme d'habitude. Quand nous et nous, Zobet, à Zonneres. Il y a eu des chansons et de la musique. Ton arros, ton arrafé. Alors, l'air du rôti, l'air du café. Trejungo, l'accordéon, c'est harmonica. Clarinette, accordéon, harmonica. Ah, ya. N'est-ce que tristante du tout. Les gens n'étaient pas tristes. Eh ben voilà, on termine cette partie dialogue. Terry, pétras on est vers vro. Ben, calze dra ou evel juste de boer vej di ouzan. Krogom de diantan evel kiz akustum gande la bourdoua, agar vu e war ar mez. E ruon bremañ va fin ur blad au vilhouezet, a prestig vo gwelio, un gwelio nedeleg, a gwelio de diantan blad. Hag bon, der ar amor an abadon bopet ba blav da vil di seitek. Trise glaso, moim jonget gant Josette du Vivier, evel just, zevel an abadon evit zikour re oa tiski brezonek. A re on tamplija dur re oa brezonek deja. Hag diviz oa bet naon hend ar brezonek. Peut-être un an de l'art et mode, puis un jonge d'abord. Hag, un rôle de wabid, de houls, vreudeur morvand, bédouin ba botkol, a wabid un rôle de vreudeur morvand, vide, kinig, un abaraden, a bouev et tram de zé, ingal. Hag, une pardonneuse un abaraden, quand Josette du Vivier, on tombe, perrugue, wabigret ganti, à Grande Morgane ou à l'air, à Grande Anne, à l'air Grande Morgane, Roas, Hudune Dé. À Bop de Veskin, et voir RKB, à Spimeuse, vos grèves, pas de pelle. À Zikouro Dombé, dans tout de skip à RKB d'Orzé, à Trugar et la Rande, au Vége Blanc, et Carré. Bonne. Vége Nombre, je raconte en d'art, des heures Gwenon. Or Gwenan, zo e bouez evit kempouez natur evel just. Gante ve kaset ur bleud boulenio, pez ve l'art de gal ag le polen, hein, ag de ur bleud boulenio zo ve kaset de zo bleun de nel, a ze zo koz ve fruiz o aler. Ag ze zo mod evit de natur evel just, ag evit un ekonomi eus, hein, vid ur vreus. Met de Gwenan zo an arva, a kaz ele bourion an eun, d'asquer l'ouzeyer chimique veut une plige de vie de l'arbre d'ouar d'asquer rêver houndwet nicotinoïde zéso ré l'ouzeyer chimique azo tos de ce nicotine azo or poison de vie de non prévendet ag bon hervé mesclève de vos veneblat au vilug no que de droite de une plige né mais même stras au triple arroise de rotas en équisure. N'est que sur, oise. Bon, ag hendel, gwenan eus ne bourionel, evel gwez pet broazi, gal ag vel arz e frelon asiatik, ag bon, rinz l'ar kalz deus gwenanet. Ag blanc me ne vaut que kalz me, la nantor me neptor, de spes ve gred blaioel. A la jonge al rand e a igual brant d'igual deus gwenan. Bon, Wardash un endro roas, ne skepel varnerien en eslar al yar roas, de nerborz y tron varia el anneil ar babrona onet. Hag un ministre tientan oa de houls, tremendra un ministre ou tientan dis, oa Manuel Valls, hag un eslar de vigebe skarzet ur zalt vel velard, zone à défendre, vide rezoin de nerborz, a zone d'aménagement différé vide réel, hag VGB Scars gant Fulster Zad, hein, gant gendarme, hein. Mais de Bouet ne change de Manuel Valls ne skuit de Castel Matignon, hag zo lac don Denel Bani Blas, hein, notre case neuve, hag hem ne zo clouar war an affaires, hein, ne ske vran de gant bir gant zi, hag zo war ne vaut que Scars de Zad tient vos change de président de République, Pérou et Provence, ma peçoine, un modèle. Manuel Valls, ou être de Scuite de Castel Matignon, et Veljust, et Vimonde de Gambal, il peut dire de Gualhuan, de Von Wargard, or Veur République, un trône d'Agobert, Velar et Vange-Comte, le Guamarche, Alba Pur, et d'Alar, et de ce trône République, Gardor d'Agobert, peut dire. Non, bien, t'en y wabé de garde or dis, ou an notre ou d'agobert. Ag garde or houard zo wabé gren gom zandé la. Pis zandá la, vel vel ar de brezon de. Bon, a yon pel de ze steu dans me ven. Bon, ag gwell aré de Zo calz du war un ring vid redadego, hein. Zo vid mon war un gars dans un bemdi quasi war vela au nom de spen. Pour occuper de vos bénéfices, les bénéfices, ne sont pas que mes d'or place. Ag, bon, j'ai blaise au de garde, et vel juste. Bon, comme j'en m'en tombe de ce zévena du revo, mais je n'en m'en content d'art de ce gelo en ya, à juste mode, et m'en a débit d'un DL, ni ver un roi quand de ce gelo en ze. Et vite, on est obligé de ce cas où de juste mode, de gelo en ze, dit qu'à ce qu'on a facteur, au véjésune, ag, bon, calze drôme, ze moyen de laine, e présent de gain. A chanzoir de l'arme de ya, de der an war an dash an se. Tremen a de ne vaisseau les an ki nig gant an le werou, direk un député et, an dant ve les an se oa bet zave de vidre an tam mur blaz d'ar brezon an gade Yezou Gwaske en det, ba bro vrans. Pe la an tremen a de ur guir dier, pe dur e tremen a d'ar les an evel o an tren direk o vant d'an azout, Nus ke bet gret man le bet bedefin. Boe oa gret lezen Dexon, ba milo han onan a Hunter Khan. Zo bet Hunter Khan dant ve lezen di kinigre oar ze, a y korbel e d'un betout, a gar se bon ne chanj ke kalz en draou, pe dur Jacobin et ve der mal de head ala, e vi harz en traou d'on oar ok. Trigun la so, oa bet, pe vi chom an tam oa ba vro, ame, Ou abe de Zavet gant en mont réveillé, ur Strolad Handvet, syndicat d'initiative, vie de Brocalac. Edouard, Edmond Rébillé, ou a ur medecine ba Calac, ag diden et calz gant ur glat, ag an zevena du rendut. Ag ur Strolad ze, syndicat d'initiative, en essive et velart, berraber, en eus labour et calz, et vie de war an dash en glat ur vro. Ag bon vraiment ba mission voir au stock galac de Parisjou de ce strolat Parisjou Gwen Gamba Pempoul a c'est une bonne de ce que tine et je veux n'abord une grande strolat ici à voir le vos pièces à mode vos comptes grande ou alerzé en avènement des Bavro en Bastien Guillou film ou FR tri Ag an DL, justement, neus disque Bacarez, ur film Gret Gantan, oa di war ur fez noz, ma trezen peus gwelzi. Ya, prelet meustan. Ya, hag votre amnet ba n'télé benessul, hag bon, an DL oa Bacarez, oa kalz dud, hein, e vil gweld ur finz. Hag an DL pe gontan deus film oas, an DL oa begret ur film gant... Grand Renan Irien, Diwar Ben, Bué, Hyacinthe, Guégan, ag disque des Béder film, ba Rostren, ag Azo Wakal, je dis, dans l'un chou Guazol, ag or film Front Mustré, à Vidoré Nusbet, Renan, Hyacinthe, ag Waler, puis Wabé, disque des Béder film, Wa Dozon, or Yaouang, Azo Strain, Zgrade, on tombe dans ce ficelle, Ag oa brad vel a ba film se ve gwell a tud de se vro a vel Arthur Luca a Raymond Tanguy o komz de se Yassin du smat a de se vu e ba vro ze oa bet matri ve genom se regont tant d'arrivé de stud et de nanang ag j'y oaz ne vaisseau et et de nanang Loïs Thomas oa quand han a vel peus ke gwaret non Non, ben les vaisseaux y étaient non, non. Doula Perugenois. Ah, ils, quand on a bon mode, on a vu le camp, ben, vro, hein. Quand on a eu grand Serge le Louarn, pas de pelle. Ah, bon, on a roi, mais on dit une veste, on hendel. On dit une, d'hermon, j'ai plus jamais dur comme ce grand temps, car on dit une donne, ou un spirit donne. Ah, comme je réalise de son tonton de cause, dans une disque, qu'elle se drogue dans. Ah, c'est-tu, bon, et d'Eloïse de Nandan. Bon, c'est-tu, on tombe de spéçonner, mais bavro, trop triste, vejo, trop low and vejoel, avec belle vejel, vous compterez. Kenori. Ya, tinon, Morgane.